mama, do you see what I see? On your knees and pray for me, Matilda's come back to me. Charlie, don't want another beer, tonight I'm gonna drink my tears, Matilda's come back to me. Go ask the maid if she heard what I said, tell her to change the sheets on the bed, Matilda's come back to me. Fellas, don't leave me tonight, tonight I'm going back to fight, wretched Matilda's inside. My heart, stop beating so, just make as if you didn't know, Matilda's come back to me. My heart, I don't want you to say, she's lovelier than when she went away, Matilda, come back to me. My heart, stop being overjoyed, remember you were once destroyed by Matilda, who's come back to me. Fellas, please don't go away, tell me that I mustn't stay, Matilda's coming back today. My hands just start to shake again when you remember all the pain, Matilda's come back to me. You wanna beat her black and blue, but don't you do it, I beg of you, Matilda's come back to me. My hands remember all the years, remember when you caught my tears, Matilda's come back to me. My hands, you wanna touch her now, but please try and be strong somehow, Matilda's here, she's coming now, now. Mama, can you hear me yell, your baby boy's gone back to hell, Matilda's come back to me. Charlie, champagne right away, I know you've been saving it for a holiday, but Matilda's come back to me. Change the sheets on the bed, Matilda's come back to me. My friends, don't count on me no more, I've gone and crashed through heaven's door, my sweet Matilda's here once more, once more. Oui, Gaétan, j'ai déjà travaillé avec Gérard Depardieu. Avant, c'était Gérard 1, ben, il était seul. Après, 2x2, 3x3, puis aujourd'hui, c'est 5x5. Ah, mon Dieu, essaye pas de le rentrer dans le 3x3. Ah! Mais au début, c'était extraordinaire. Dites-lui que je l'aime, un film de Claude Miller. Flamboyant, à la mesure de son extravagance, son jeu était... Comme des, tu connais les pâtes, mais je connais des empâtés. Ouais, mais nomme pas de nom parce que je sais que le public attend. Il se fait une liste. Là. Ce qu'il veut, c'est amener l'animateur en cours d'école. Ben pourquoi pas. Moi, je sais jouer à des beaux jeux extérieurs, oui, comme au yo-yo. Au yo-yo, ça joue aussi à l'intérieur. Ah non, mais moi, c'est parce que je le tire trop haut, puis je le balance dans les nuages. Et puis, quand il s'accroche dans l'arc-en-ciel, eh, monsieur, c'est plus du yo-yo, ça, là, là. C'est du ho-ho. Ah oui, c'est vrai. Entre le yo-yo et le ho-ho. Oh, c'est mon yo-yo. Ouais, le public vient de l'entendre. Là. C'est pas très bon de placer la colle avant. Avant, ben, il faut que tu boives de l'eau ou une boisson quelconque pour que ça puisse se diluer dans la bouche. Sinon, ben, sinon ça fait collant. Bon, on sait que pendant toute ta vie, tu as été collant. Ben, oh, non, mais c'est comme Gérard Depardieu. Moi, j'ai commencé par autocollant. OK. Dans le dos. Oh, voilà. Et tout le monde voulait vérifier si j'étais vraiment très, très imprégné par cette colle. Et puis, il y en a du monde qui m'ont suivi. Ah, oh, moi, j'avais même pas besoin de dire « En vérité, je vous le dis, ou mes chers frères, mes sœurs, mes demoiselles, mes yeux ne tombaient pas, restaient ancrés dans ma lunette. Au prix que je les ai payés, c'est un tabac. Hey, non, mais je vais revenir contre l'occupation de ces verres. Ces verres, mais pas des verres de terre, des verres que tu places au niveau du nez. Oh! Non, mais la nature est quand même bien faite. Hein? Parce que sinon, à quoi ça sert un nez comme ça? Là?

Parce qu'on a un individu ici là, qui se promène partout dans le gymnase, puis il dit... C'est pas vrai. Ouais. Je pense qu'il va poser des bombes un peu partout, à gauche puis à droite, puis surtout vers le haut puis vers le bas, parce qu'il sait même pas où il est. Il se dirige pas, lui. Là. C'est comme une boussole, mais sans nord. Il a perdu le nord. Lui, le plan nord, là, c'est... C'est pas vrai. C'est ça. Alors, le 26 juillet 2000... Je voulais arriver police, pour que ça arrive plus vite, là. Une petite soirée après, là, entre nous autres, hein? Amener 3-4 policières, puis on a une grosse piscine de jello. On va filmer ça, on va mettre ça sur YouTube. Vendredi 26 juillet 2013, les errances rénadiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes. Oh, lâche ton gun! Oh, monsieur! Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est le monsieur. Le monsieur, ben, qui a dit lâchez mon gun. Le gun? Quel gun? Le fusil. Oh, le fusil! Pourquoi? Pauline? Allô, Pauline? J'espère que je vous repaye pas. Je vous repaye pas. Non, je vous repaye plus, moi, là. Non, je vous réveille pas, j'espère? Oui, OK. Pauline, c'est Rénal. Vous connaissez l'émission Errance Rénaldienne? Vous l'écoutez depuis... Bon. Là, je peux pas faire de montage et il y a un personnage qui a dit le mot « gun ». Comment ça me coûte, moi, là? Parce que ça vient pas de moi, ça vient d'un de mes personnages. Ben, écoute, un unicellulaire, là, un gars qui a voté... C'est qui, ça? C'est un nouveau vote. C'est la censure. Puis qui veut revoter encore. Moi, Pauline, là. Toi puis moi, là. Allô? C'est pour la vie, OK? Tu savais? Tu, hein? Le tutoiement, déjà, là, on est direct. Hein? On peut pas se cacher des affaires entre nous, là. Je suis membre de votre club. Êtes-vous membre de CKRL, vous? Ah, merveilleux. Je sais que vous avez une collègue aussi qui est... merveilleuse, elle aussi. J'ai rencontré il y a 3 ans. J'étais en dessous de la table. Ouais, encore une fois, ben je sais. Fait que Mme Marouet... Madame Pauline, on va oublier ça. Elle n'a pas voulu dire gun, là. Ah ouais, tu as commencé ce monde-là. Hein? Bon. Ben, je vais y amener des messages subliminaux, puis la prochaine fois, là, il va voter pour vous, OK? Parfait. Allez vous recoucher, puis je vous aime. Non. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Non. Oui, monsieur, on est prêt. Apaisons la dure réalité. Fais-moi chauffer un bain, Gaétan, fais-moi chauffer un bain. Apaisons la dure réalité. Un bain chaud. Chaud, excusez-moi. Qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un atmosphère... Unissons-nous autour de la comédienne Salima Butbal. Elle obtient un premier prix d'art dramatique à l'unanimité au Conservatoire régional d'Orléans. Elle rencontre des comédiens et comédiennes un peu partout pendant sa carrière et créa le cabaret Cici Nono. Cici Nono. Cici Nono, Wallowené, Sion. C'est non, ouais. Hey, même le caloukou, c'est pas, il suit pas. Hey, c'est pas un caloukou, c'est un bololo. C'est un bololo de difficulté. Au théâtre, elle travaille entre autres avec Cécile Barquès, avec qui elle a fait une pièce extraordinaire que j'ai vue, King Kong Theory, en 2012. La metteur en scène Cécile Barquès retrouve enfin Salima Butchal. Excuse-moi, bout de balle, excuse-moi. Salima, tu peux me fouetter. Oh, j'aime ça. Vas-y encore. Oh, encore une fois. Oh. On dirait que c'est de l'air. Non, c'est un fouet. Et puis donc, elle la rencontre avec ce travail incroyable qu'ils ont fait. Ce solo performance. Blondie peroxydée, moulant ses formes rondes sous une nuisette coquine. La comédienne porte le texte en musique avec une ironie matinée de candeur provocatrice, provocante. Et c'est un texte de... De? Je vais vous souffler. Virginie Despentes. Qui? Virginie Despentes. Virginie Despentes? Ben oui, Virginie Despentes. Celle qui a fait Baise-moi, le film Baise-moi. Excellent film, excellente œuvre. Une des comédiennes s'est malheureusement suicidée. Personne n'a besoin. En 2012, le médecin, bon, on le dit, en juillet 2012, Erance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste des plus sympathiques et extraordinaires. Vraiment humaniste. J'ai eu un plaisir fou. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et entendre la musique? Oui! Alors, place aux mots, place au lyrisme reynaldien, place à l'envoûtement, et laissons-nous devant la zizique. où on sent la nuit, où on sent voilà, la vie. Voilà, où il y a vraiment du corps aussi, et que tu vois... Ben, du James Dean, hein, c'est la vie... Exactement. Un univers glauque. Glauque, mais en même mais temps avec réaliste. De l'humour aussi. Oui, parce qu'il faut passer. Ouais, c'est la ventilation, l'humour. Hein, c'est... Il faut qu'il y ait de tout, en fait. Moi, j'aime bien quand, doser. Quand je vois des choses où à la fois je peux me marrer, puis être touchée, et puis me dire, oh putain, c'est violent. Mais que, voilà, c'est ça qui est humain. C'est ça qui me. Et que qui tu. Me plaît, quoi. Il faut sortir aussi avec une certaine fraîcheur pour pas sortir de la pièce de théâtre. Oh, oui, ouais, c'est incroyable. Ouais. Alors, tu as une certaine légende. Mais en même temps, tu réfléchis à ce que tu as entendu. Ben, voilà, c'est ça. Ouais. À propos du viol et à propos de tout ce qui. Et au début, est-ce que tu te sentais mal à l'aise parce que tu es quand même. Tu es seul sur scène, tu retires des vêtements, t'es presque nu. Non, parce qu'en fait, c'est une proposition que j'ai faite, moi, justement, à Cécile. Ah, c'est toi qui l'as... Ouais, parce que je trouvais ça bien que cette femme, en fait, c'est comme si elle... Elle se dévoile. Se met à nu. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il faut enlever tous les artifices aussi de la femme, genre la perruque blonde et tout ça. Enfin, tu vois, qu'elle se retrouve un peu plus en chair, terrienne, elle est là. Comme nous, comme voilà. C'est nous. Hein. Donc, non, ça me dérange pas du tout, moi. C'est pas un truc qui me... Le corps, ça me dérange pas. Enfin, ça me fait pas peur. Okay. Un spectacle qu'on a fait avant Sheets, il y avait une scène de baise sur la plage. Enfin, j'y allais, il y avait des gens qui sortaient pendant le spectacle. Parce que, ah oui? Ça les choquait. Ouais. Mais, ouais, mais c'est... Mais, c'est, mais moi, c'est... ça me fait marrer. Non, mais c'est une scène proposée, pas une scène... Ah non, c'est une scène qui est écrite et tout. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est ça, mais c'est pas de la vulgarité. Ah, non, c'est ça. C'est... Non, puis c'était pas fait de manière vulgaire. Ah hein, oh, oui. Mais entre un gars et une fille ou entre deux gars? Entre un gars et une fille. OK, OK. Écoute, j'ai 10 questions. Ouais. Et tu réponds comme tu le D'accord, sens. Okay. Si tu étais un liquide? Si j'étais un liquide, je serais du sang. Oh! As-tu un petit côté vampire? As-tu non, un côté vampire? OK, OK. Ouais. Vampire, peut-être pas, mais j'aime bien les films d'horreur, tout ça. Donc, OK, je sais rêver. Le ça me fait pas peur. Ah oui, OK, ouais. T'aimes bien le sang, mais tu aurais pu être infirmière. Ouais, j'aurais pu. On aurait pu être bien des choses, mais voilà. Mais nous n'avons qu'une seule vie. Ouais. Si tu es heureusement, si tu étais une ville. Une ville, je serais New York. Pourquoi? Parce que j'y suis allée, que j'adore l'énergie de cette ville. Cette année, j'y suis retournée. Cette année, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée. En voyage? Ouais. OK. Et je trouve cette ville impressionnante, avec une énergie folle. Et en même temps, il y a tellement de choses, tellement variées. Mais comme Paris? Ouais, mais je sais pas. Avec des Anglais au lieu de. Ouais, voilà. J'aime beaucoup la langue anglaise. OK. Aussi. Et. Non, je sais pas, il y a quelque chose de grandiose. Enfin, je sais pas, c'est débile, mais c'est un peu. Non, le mais rêve. Non. Ben oui, ben le rêve américain, français. Johnny Hallyday en rêve. Non, j'en ai parlé. Mais t'es mieux que Johnny, ne t'en fais pas. Si tu étais une langue. Si j'étais une langue. Alors, je serais peut-être le perse. Ok. Parce que je connais, j'ai une amie perse qui s'appelle Minou. C'est pas un prénom. Minou. Oui. Mais nous avons une astrologue qui s'appelle Madame Minou. D'accord. Et moi quand je l'ai rencontrée. Mais qu'est-ce que ça veut dire un Minou pour toi? Bah un Minou. Non. À part le sexe féminin, mais pour nous c'est un chat. Un chat, oui, un petit un chat. Un Minou, ouais, c'est un Minou. Okay. Et en fait, je l'ai rencontrée dans un train et elle parlait avec son mari. Et j'ai trouvé cette langue tellement à la fois douce et chantante, et en même temps il y a quelque chose d'oriental, je pense que voilà, qui me touche un peu. Avec la danse orientale. Voilà. Hein. Mais est-ce que tu lui as parlé? Ouais, on s'est parlé. Elle habite. Mais pourquoi tu lui as parlé? Elle habite à Québec. Ah oui? Ouais. Elle est agent immobilier, tout ça. Non mais c'est. On s'est parlé parce qu'on était dans le train. Elle parlait quelle langue? Elle parlait le perse. Ok. Et. Elle parlait français aussi. Oui, elle parlait français. Ok. Aussi. Mais tu lui as adressé la parole uniquement parce qu'elle... Mais je t'entendais parler, elle avait une voix très douce. Moi, je suis très sensible aux voix. Ok. Elle avait une voix très douce, elle parlait avec son mari. Ils avaient un petit garçon qui était très beau. Et en fait, il y avait un long trajet. Et puis, on était assis. Ouais, on était... Tu sais, c'est des trucs de quatre. Ouais. Et on était tous les quatre, en fait. Et du coup, on a engagé la conversation. Et voilà, ils étaient très, très sympathiques. Est-ce qu'elle avait un accent québécois ou... Quand elle parlait, non, mais non. Son mari, oui. OK, ben oui, lui devait être le québécois, ouais. Si tu étais une époque... Alors, si j'étais une époque, je pense que je serais... Fin du 19e siècle, début du 20e. OK. Ouais. Parce que, en fait... Quand j'étais jeune, par exemple, je disais souvent j'ai raté mon époque, j'aurais dû naître plus tôt ou au 18e. Parce qu'à l'époque, on aimait bien les femmes peintures. Ouais. Les peintures. Voilà, les peintures. Ouais. Kate Moss, c'était pas au goût du jour à l'époque, comme tu dis. Mais moi, je te voyais aussi dans l'univers de Henri Miller, de la femme d'Henri Miller. Mmh. Je trouve que ça va bien. Puis hier, je jubilais parce que j'écoutais la pièce, je dis Marguerite Duras, c'est comme ça. Et tu l'as nommée Marguerite Duras. Ouais. Je dis oh yeah! Ouais. J'étais presque en train d'applaudir. Mais... si tu étais un mot. J'étais un mot. Très con, mais c'est amour. Ben, c'est pas con, l'amour, c'est ce qui mène le monde. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et crois-tu que l'amour est galvaudé aujourd'hui ou... Non, je pense que, en fait, les gens se protègent beaucoup. Dans tous les sens du terme, Ouais. Et que. Enfin, moi, je pense que l'homme est profond. Pour moi, l'homme est bon. Je pars de ce principe-là. Je me dis pas que les hommes sont mauvais. Et qu'on découvre des. Il y a des petits moments, il y a des choses qui se passent. Et pour moi, ces moments-là où il se passe quelque chose, c'est de l'amour. C'est de la volupté. Ouais, dès qu'il y a de l'échange et de la générosité, c'est de l'amour. Et c'est ça qui est C'est important. Le côté humaniste. Voilà, c'est ça. L'amour humaniste. Exactement. Si tu étais un aliment. Si j'étais un aliment, qu'est-ce que je serais? Les gens ne comprenaient pas avant quand je disais aliment. Donc, j'ai modifié aliment. Mais je disais aliment. Mais on ne saisissait pas. mais j'ai rectifié le tir. C'est moins pire. Aliment, je viens. C'est ça, aliment. Oui. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les aliments, donc. OK. Je serais... Es-tu épicurienne? Du chocolat. Ah, ouais. OK. Ouais. Bien manger, bien boire. Bien manger, bien boire, ouais. Bonne musique. Ouais. Bonne ambiance. Profiter, de la vie. Ouais, voilà. The show must go on y va, on a juste sans une vie. Sans se s'arracher la gueule non plus. Non. De temps en temps, mais pas... Il y a une phrase que j'aime dire, la modération a bien meilleur goût, mais le goût n'a pas de modération. Ouais. Ça vient de moi. donc, l'aliment, c'est? Le chocolat. Ouais. Quel pourcentage? Au lait ou... En fait, voilà. J'étais longtemps complexée parce que moi, je préfère le chocolat au lait. Et on me disait, non, les vrais gourmets, ils aiment le chocolat noir. Et puis, je vais souvent dans des chocolateries pour tester. Pour tester, pour goûter des nouveaux chocolats. Oui, c'est bon. Et un jour, le chocolatier m'a dit non, il y a du très bon chocolat au lait, il faut arrêter, il n'y a pas que le chocolat au noir. Donc maintenant, je suis complètement décomplexée là-dessus. Okay. Le chocolat au lait. Et à chaque fois que tu passes devant une boutique de chocolat, tu regardes. Non, mais tu regardes. Ah oui, je peux regarder. Ouais. Ok, ok. Ah, ouais. Mais c'est vrai, hein, c'est beau. Ah non, mais le bon chocolat. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. C'est vrai. Mais il n'y a pas de mauvais chocolat ici à Paris, ou très peu, quand c'est pas industriel. Oui, quand c'est pas industriel. Oui, c'est ça. Une boutique de chocolat, c'est toujours fait avec amour. On parlait d'amour, donc c'est ça aussi. Voilà, c'est ça. Si tu étais une saison? Une saison, je serais l'automne. Au Québec? Ouais, pourquoi pas? Ben parce qu'au Québec, c'est merveilleux. Là. Ah non, mais moi, j'adorerais le Québec. Voir ton bûcheron arriver de la forêt, là, avec un lièvre à la main, et toi, devant ta cuisinette, préparer le chaudron, c'est merveilleux. Couper les oignons, pleurer déjà. Là, on est plus dans le cliché, hein, le mec qui va à la chasse, qui ramène la bouffe, et la bonne femme qui fait la bouffe. Oui. Non, mais moi, c'est le bûcheron, en plus. Là. Le bûcheron, c'est quand même, allons dans bien les stéréotypes. Mis, oui. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Alors vraiment, je vais pas prendre. Non, mais nous sommes diffusés à minuit et quelques, donc... Ah ouais, non, mais d'accord. Je serai une poitrine. De femme ou de... Féminine. OK. Ouais, ouais. Laquelle? Est-ce que c'est la tienne? La mienne, pas forcément. Non, j'aimerais bien être, par exemple, la poitrine de Marilyn Monroe. OK. Voilà. OK. Mais tu l'évoques, Marilyn Monroe, dans ta pièce? Oui, il y a quelque chose de Marilyn Monroe. Ouais. Et moi, John Birkin. Ah non. Ok. Oh. Ça peut être très joli, des petits seins. Ouais. Moi, j'aime bien les poitrines généreuses. Mais est-ce que tu es pour l'authenticité ou la défense? Ah non, moi, je suis pour l'authenticité. Ok. Ouais. Alors, lorsque l'on est comme l'on est... Oui, non, mais après, moi, je trouve que des femmes qui ont des petits seins, j'ai plein de copines et je trouve ça très joli aussi. Ok. Mais toi, t'aimes bien l'opulence. Autant dans la bouffe que dans... Après, c'est parce que moi, j'ai des gros nichons, mais après... Oui, ok. Voilà. Ouais, c'est ça. dans le dépanneur, un retraité qui se demande encore s'il existe sa dernière chance. En va-t-il dans le terminal du 636? Cette fille sur l'affiche qui me sourit à chaque fois, pour une nuit d'amour gratis, j'y donnerai, j'y donnerai, j'y donnerai, j'y donnerai n'importe quoi. Ma ligne de cœur craque de trottoir. Mon amour est une cigarette que je tète. Et les migrants en état de choc, ici sais-tu ailleurs? Mais dans le bruit, j'ai rien compris. Oh, one more day, one more dollar. Quelle histoire, les yeux bandés dans un trou noir. Quand viendra l'heure du blackout, j'irai boire à la collision frontale. Pour me consoler, une musulmane fera un dessin dessus mon plâtre. Dans la boucane du chétra, je brillerai. On dira bien ce qu'on voudra, la mémoire n'est pas une question de goût. Je suis du signe du rat, le crash en train jusqu'à l'égo. Un jour j'irai, un jour j'irai au Scala, Scala, Scala, Scala, jusqu'à la mer. Ouais, tu connais la tienne avant de voilà, connaître celle-là. Tu parlais aussi hier dans la pièce les filles doivent se connaître avant de. Ouais. Ah bah ouais, mais ouais. C'est vrai. Ah bah c'est important ça. Ah ouais. Est-ce ouais, que bah, je vois même des copines, je leur parle, enfin il y a quelques années, on parlait. Je pouvais leur dire ouais mais t'as déjà vu des films de cul, des films de masturbation. Ah non non, bon, je fais pas ça. C'est vrai qu'il y a un vrai tabou quoi. Mais est-ce que tu y croyais avant d'en parler, ou étais-tu consciente avant d'en parler de la masturbation féminine et tout ça? La mienne en tout cas, oui. Ok. Bon, ben parce que toi tu le pratiquais, mais ouais. Je veux dire, est-ce que tu en parlais avec tes copines? Ben justement, c'est un truc qui est un peu tabou chez les nanas. Encore en 2012. Ouais, elles peuvent raconter des trucs sur leur mec et tout ça. Des trucs mais, personnels? Mais, okay. Ouais, mais, okay. Mais je pense que c'est sur leur mec, tu vois. Alors que quand c'est vraiment sur elles, elles vont pas parler de ça. Mais je peux dire que quand j'étais plus jeune, j'en aurais pas parlé non plus. Une fois, j'ai une copine qui me dit, elle avait une audition, elle m'a dit, ah ouais, attends, pour me calmer, je me suis branlée deux fois avant d'y aller. Okay. Ça m'a un peu choquée, tu vois. J'ai fait, Ah oui, ok. C'est pas un truc dont je parlais facilement maintenant. Bah, c'est aussi l'âge, quoi. Mais est-ce que tu essaies de trouver un cercle d'amis qui se libère plus facilement ou au contraire, tes amis sont plus constipés que toi? Oh non, je pense que les amis que j'ai, on se connaît bien. Enfin, c'est quand même des amis de longue date. on se connaît bien, on parle ouvertement. Après, il y en a qui sont plus ou moins coincés. Ouais. Il y en a, je sais avec qui je parlerai de sexe et puis d'autres pas. Mais il y a d'autres choses quoi, qui se passent. Donc, c'est pas un critère pour moi, ça. Mais c'est une phrase un peu imbécile, mais comment tu es perçu un peu par tes amis? Tu ne sais pas, parce que mais des fois... Bah, ça dépend des gens. Ouais. Je sais que... Es-tu vu comme une fille éclatée, moderne, sans censure, au contraire? Tu as des censures, tout le monde? Non, moi, j'ai des censures. Hein. Non, je ne suis pas complètement freestyle et tout ça. Hein. Déjanté. Hein. J'aimerais bien, des fois. Puis en même temps, après, j'ai des règles aussi de vie, quoi, tu vois. Donc, et c'est l'éducation aussi. Ouais, hein. Ouais. Donc, ça vient beaucoup de ça. Mais après, je suis quelqu'un de curieux. J'aime écouter. Mais la curiosité, à quel niveau? Littéraire, musical, sexuel? Moi, sur l'humain, surtout. Là, j'ai repris des études à la fac en psychanalyse parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et c'est pour me connaître moi-même, mais c'est aussi... Je trouve que connaître ça le genre à humain. Rencontrer les autres. Et connaître le genre humain, le fonctionnement, le déclic humain. Et là, tu fais ça actuellement? Ouais, je fais ça, ouais. Okay. Je viens de finir mon année, là, juste avant de reprendre les répétitions. J'ai fini mon année à la fac. Alors, tu es étudiante travailleur. Voilà. Ah oui, c'est cool. je ne sais pas si tu l'as posé. Ah oui, là, on était rendu au membre corporel. Si tu étais un moment de la journée? Alors, le matin et en fait, le petit déjeuner. J'adore le petit déjeuner. Mais là, il y a comme un problème le matin parce que tu es une fille de théâtre, donc tu te couches tard. Mais là, cette pièce-là finit à 10h, donc t'es va, libre. Je me couche à 2h du matin, en gros. 2h du matin? Ouais, parce qu'il faut que je rentre, je mange, je fais 2-3 conneries sur Internet. OK, tu manges pas avant la pièce? Non, je mange pas avant. OK. Et du coup, je me couche quand même assez tard. Je me suis toujours couchée assez tard. Et tu dors peu? Je me dors peu, ouais. Mais ça dépend si j'ai le temps, en fait. Généralement, je me lève assez tôt et je fais une sieste l'après-midi. Moi, j'aime bien... Mais est-ce que tu fais une sieste avant la pièce de théâtre, non? Si, ouais. OK. Ouais. À quelle heure? Ça dépend. Des fois, c'est 3 heures. Des fois, c'est à 5 heures. Arrives-tu longtemps d'avance ou t'es là? Ah ouais, moi, j'arrive longtemps d'avance. OK. J'arrive à 7 heures. OK. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je me maquille parce que j'ai quand même un paquet sur la tronche. Ouais. Et même en dessous des bras? Ouais. OK. Mais là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. OK, oui. Et puis, je fais des exercices pour l'articulation. OK. Pour m'échauffer un peu le corps, voilà quoi. Et j'aime bien être là, prendre le temps. Alors 2 heures avant. Ouais. Parce que moi j'aime pas être pressée. Ok. Même si je peux être speed, j'aime pas me dire je suis à la bourre et tout ça. Là il faut monter puis je suis pas encore préparé, donc il faut vraiment que tu rentres dans ton personnage. Voilà, ok. Si tu étais un autre individu. Un autre individu? Alors, j'aimerais bien être un personnage comme Onsen Tsuki. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire. OK. Ah, ouais. Et que j'aimerais bien avoir cette force et cette possibilité de transmettre une parole de paix comme ça, aussi forte, quoi. Moi, c'est quelqu'un... quand je pense à son histoire, ça m'émeut beaucoup, quoi. Et c'est la Gandhi féminine. Voilà, c'est ça. Ouais. Gandhi, ouais. Ouais. Mais elle, c'est une femme. Oui, bah oui, c'est ça. Ça serait une autre femme, en tout cas. Bon appétit. Merci. Vous pouvez donner 1 euro pour un café. In April of 1775, this great nation started coming alive. Old King George didn't like it one bit, so he proceeded to throw him a royal fit. He told his generals, better get them back in line. Make them pay my taxes, now America is mine. Stop that independence talk before it gets around, or it's gonna be hard to hold them rebels down. Well, the king was talking about the men like Paul Revere and the Minutemen who held their dream of independence dear. They kept their eyes on the British, they watched them day and night. They knew very soon they'd get their chance to stand and fight. Yes, they knew that the British would be moving any hour, so they arranged a signal in the North End church tower. Paul was watching when the tower showed a light, and he started on his midnight ride. He jumped on his horse, hooves started humming. He screamed out his warning, Redcoats are coming. Better get your guns and your fighting britches on. They're coming and they're 800 strong. Next morning at Concord and Lexington town, the spirit of freedom turned the redcoats around. When we praise the men who made this mighty nation we have here, then let's remember Paul Revere. Yes, let's remember Paul Revere. I guarantee you something, and I want to tell you all, that we never would have been here if it hadn't have been for Paul. Yes, sir, I surely doubt us ever being here if it hadn't have been for that man on that horse named Mr. Revere. Mister? Mister? Est-ce qu'on peut parler à Mister? Oui, mais on n'a plus la chose qui communique avec les astres. Là. On ne veut pas communiquer avec les astres, on veut communiquer avec Mister. Oh, il est là. Excusez-moi. Mister? On sait que vous êtes un homme sage. Vous êtes né en 1942. Dans Nashville, Tennessee. Ben, ça s'appelait au français, ça. Nashville, Tennessee, là. Oh, c'est Nashville, Tennessee, là. Les grandes prairies. Oh, les chevaux. Non, c'est les cheveux. Les cheveux au vent et les chevaux dans les champs. Oh. J'ai les chevaux mêlés aux cheveux. Voilà pourquoi je me sens si heureux. Les chevaux me tirent la crinière. Et moi, j'espère qu'il en sortira de la musique. Musique à volonté. Ah oui, ok, c'est moi. Mais j'étais en transe, moi, là. Ça m'arrive. Elle est pas là, fait que j'en profite. Vous savez que quand les souris dansent, hein, là, il y avait des rats parmi nous. Des gens qui voulaient nous abandonner, en fait, nous vendre notre projet, notre idée d'émission qui fait fureur depuis déjà si longtemps. On appelle ça quoi, des calamités? Des calamités de Jean. Non, c'est pas ceux-là, c'est... Oui, mais monsieur, allô? OK, monsieur. Alors, vous qui êtes sage comme une image... Allô? Bon, hey, comment ça t'es pas capable de peser ta main? Bon, c'est pas compliqué, ça, là. T'es devant le micro, là, tu pèses ta pitoune quand je te fais un clin d'œil. Puis là, je sais aussi que j'ai des tics nerveux. Oh. Hey, depuis 2 semaines et 3 ans et 20 ans, là. Oh, c'est 3 semaines, 20 ans, ça veut dire 22 ans, 23, 24, 26 ans et demi. Ah, oh, je suis en transfert d'énergie avec l'effervescence galactique. Et le petit côté, là, le micro, le macro, le microcosme de ma vie. Macro, micro. Macro, micro. Et qu'est-ce que je veux dire? Ben, micro, c'est petit. Macro, c'est la planète entière. C'est en dehors de tout ça. C'est la galaxie. Regarde, là, il s'en va encore. Non, c'est la galaxie. Qui? Galaxie. Voilà, pas ça, galaxie, moi, là. Voyons donc, c'est cool. C'est où, ça? C'est en dehors de tout le système. Ça m'a l'air, OK? Ça m'a l'air que c'est là, là. Tu pointes le doigt vers là, OK? Et puis, ça peut pas être ailleurs que là. Alors, si tu pointes partout, ben, c'est là. L'univers est infini. Oh, arrête-moi ça, toi, là, ça m'aille. Il est quelle heure? Il est peu. Non. L'infini. L'infini. L'infini n'est pas jusqu'ici. Galilée s'est fait tuer, l'imbécile, parce qu'il pensait comme la pizza. Ah, il pensait que la Terre était comme une pizza. Là. Il y avait une rangée de pepperoni, fromage. Ouais, mais il y en a qui mettent des anchois. C'est leur problème. Qui rajoutent des champignons. C'est pas mangeable, des champignons. Les champignons n'ont pas de goût. Ce ne sont que des individus qui ont plus de papilles gustatives qui mangent des champignons. J'aimerais que le comité de champignons m'écrive à Rénal Québec à commercial@gmail.com et un jour, OK, je leur donne peut-être, tiens, jusqu'à l'âge de 50 ans, OK? Donc, je suis pas fermé, là. Je suis très ouvert. Fring, regardez, je suis ouvert. Fring! J'aimerais que ces gens-là m'amènent à aimer les champignons. Et puis, des champignons, là, comestibles, là. Faites-moi pas mourir, là, puis je vais avoir un goûteur. Oula, oula, oula! C'est un champignon pacogne. Oh, oui, ça pacogne par le fond, ça pacogne par le haut, par le bas. Ah, pacogne, ah, pacogne, aïe, aïe, aïe, aïe. Vous allez mourir? Oh, dans les deux semaines. Aïe, aïe. Ça prend du temps? Ah oui, mais faut souffrir pour mourir. Oh! Faut souffrir pour mourir. Ah oui, quand tu meurs pas, si tu meurs radicalement, là, tu y vas pas. Tu vas pas où? Tu y vas pas où? Je sais pas, mais tu y vas pas. Tu sais pas où tu vas pas, puis tu veux pas y aller. Tu veux y aller. Ben oui. Je préfère savoir où aller que ne pas savoir où ne pas aller. Ben ça, c'est incapable, ça, là. Ça, plus capable que ça, là, tu deviens incapable, là. Ne pas connaître est une vision qui t'enchante. Mais oui, c'est parce que... Oui, je suis en train de dégonfler en même temps. Mon intelligence dégonfle en même temps que ma bouche. Oh mon Dieu! Le petit noyau deviendra grand si tu deviendras vie. Mais donner de la vie à rien, ça donne absolument rien. Parce que dans rien, il y a tout, puis dans tout, il y a rien. Hein? Plus il y a rien, plus il y a tout. Tout ou rien, rien. C'est comme l'homme dans l'homme, ça. Et puis la femme dans la femme, mais non, l'homme en tant que femme aussi, là, l'homme avec un H. Un H majuscule, ça comprend tous les êtres vivants. Même les petits poissons rouges qui se promènent, qui font papapapapap. Ils font pas ça. Ben oui, tu regardes leur bouche, ils font papapapap. C'est pas le bruit qu'ils font. Ben avec, je sais pas, moi, là. Faudrait demander à Jopi Toutou qui, lui, a l'oreille universelle qui comprend même les petits sons que les humains comprennent pas. Ça va, si le poisson fait papapapapapa. Moi, je dis qu'il dit papapapapapa. Oui, mais toi, t'as le papapapapa pas mal ouvert, toi, là. Combien de psychologues sont morts, toi, en t'écoutant? 6. Mais en fait, je tiens à vous dire que le psychologue de Woody Allen, là, ben, il existe plus. Puis l'autre psychologue de Woody Allen, là, il existe plus non plus. Puis l'autre psychologue, on a jusqu'à 2 ans, oui, mais ça finit que la 12e psychologue de Woody Allen, là, ben lui, il est encore vivant, mais il est à sa retraite. Il l'a eu pendant 2 jours, puis ben, je prends ma retraite, il avait 26 ans. Woody Allen, non, son psychologue! Il était plus capable d'endurer ça, lui, là. Ah, oh, moi, là, il y a New York, USA. Moi, j'ai vu New York, USA. J'ai vu aussi Manhattan. J'ai vu Julia Grosbière. Non, c'est Julia Robert. Moi, c'est Grosbière. Et elle avait un bedon, mon gars. Là. Je dis, t'es pas enceinte, je t'ai fait signer un contrat pour mon film, là, Embrasser en chantant. Une comédie musicale, mais dans mon cas, c'est une cocomédie. Oh! Elle a chanté, elle a dansé. Là. C'est son film le moins qui lui a moins rapporté, mais parce qu'il y avait mon nom. Là. Hey, Woody Baden, pas n'importe qui Woody Baden. Là. Elle promène en chameau un peu partout dans le monde, là. Vous êtes sûr que c'est Woody Baden qu'on connaît le comment faire l'amour avec un dromadaire sans se fatiguer? Non, ça c'est un autre. Ça. Parce que faire l'amour avec un dromadaire, c'est fatigué. Surtout quand t'es pris sa bosse. Ah! Le lendemain de brosse, c'est la bosse. Mon Dieu Seigneur! Un chameau, c'est pire, c'est 2 bosses. Moi, j'ai déjà de la difficulté à satisfaire une bosse, mais je dois 2 bosses. Ah! Là, faut passer à Bukowski. Il m'appelle depuis 2 jours. Hey, c'est quand que je passe? C'est du français, ça? Ben, lui, c'est un anglais, fait qu'il a droit des fautes de français. Mais les francophones n'ont pas le droit de faire des fautes de français. Pourriez-vous-tu recommencer? Oui, je vais recommencer. Pourriez-vous-tu? Oui, je vais. Mais pourriez-vous-tu? Ça n'existe pas. On va appeler Pauline. Non, elle dort. Réveillez pas encore. Non, êtes-vous certain? Ah, oh, je suis très certain. Moi, si je la réveille une autre fois, moi, j'arrête le micro. On va écouter Bobby Cash jusqu'à la fin de nos jours. Non, c'est Bob. Hein? C'est pas Bobby Cash. C'est Johnny Cash. Oh! À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Excusez-moi. Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. C'est un wolf. Virginia de Woolf. Oh! Robert de Woolf, Jean de Woolf. Attention, madame et messieurs. Non, ça, c'est un autre, ça. Lui, c'est Fugain. Comme le mentionnait Jim Morrison. Stranger the night. Non, c'est pas lui. Stranger the night. Boom, boom, boom. Stranger the night. Is it the end? J'ai la tête qui réverbère, moi, là. Robert, réverbères-tu? Je réverberai jusqu'à la fin de... Oui, merci. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renandienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Oh, je l'ai dit mal, mais je l'ai mal mentionné, je l'ai mal stipulé, mais j'ai mal. J'ai mal. Aujourd'hui, on le dit, ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-lui nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles extraites de son recueil Contes ses nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Je sais que j'ai déjà fait ce début de phrase-là, mais vous allez entendre que la suite n'aura pas du tout le même cheminement que la dernière fois. Faites-moi confiance, relaxez, prenez votre verre d'eau pas de glace, là. Moi, je vous même une tisane, ce serait mieux pour vous. Une tisane? Oui. À la quoi? À la mamose. C'était un mercredi soir. Ben là, faut que la fasse couler. Fais-toi la couler. Quoi, douce? Fais-toi la couler douce. Oh mon Dieu! Gaétan! S'il vous plaît, deux doigts de fais-moi la couler douce. C'est quoi ça? Non, c'est un nouveau breuvage. Comment ça? Ben, il vient de dire, fais-moi la coulée douce. Comment ça se fait? Ça se fait couler douce. Oh, plus ça coule, plus c'est doux. Mais pour que ce soit doux, faut que tu te la coules. Si tu te la coules pas, ça sera pas doux. Si tu la roucoules? Non, roucoule. Premièrement, pour la roucouler, il faut demander à la tourterelle. Parce qu'il n'y a que la tourterelle qui roucoule. Et tout coule. Tout coule dans la vie. Le matin infidèle, le jour frileux, mon Dieu, le jour frileux, les petits enfants qui dansent dans la prairie, non. Les jours frileux et les soirs, encore heureux de vivre. La nuit, ferme son sarcophage. Et cherche l'ultime hommage à rendre à ce matin à venir. Et lorsque le charmant arrivera vers la charmante, il y aura l'harmonie universelle. La chanson de tous ceux et toutes celles. Non, pas tous ceux-là, tous ceux. Toutes celles-là. Oh mon Dieu. C'était un mercredi soir, on te dit, il n'y avait rien nu de terrible à la télévision. Ben, c'est normal. C'est l'été. C'est pour ça que c'est important de recycler toutes ces émissions d'Errance Renaldienne l'été. L'hiver, ben là, on est beaucoup plus interpellé par les fêtes, les rencontres en soirée, les petites rencontres en soirée avec elle ou avec l'autre là Omar, l'autre là City. Faut jamais la rencontrer en été parce qu'elle sue. Et quand elle sue, elle pue. Et quand elle pue, elle sait qu'elle n'est pas attirante. Donc, elle cherche à partir. Même si tu barres tous les portes. J'ai essayé de barrer toutes les portes, ma Gaétane. J'ai une poignée qui ferme à double amour. Oh, redis-le sans l'écho. Oui, j'ai une poignée qui ferme à double amour. Mais ça, j'ai déjà fait il y a 3 semaines. Ça vient de moi, ça, double amour. C'est beau, hein? Et là, il y en a 3-4 qui sont tombés, là. Relevez-vous. Levez-vous et marchez. Marchez et relevez-vous. Essayez de marcher couché. Ah, dans votre tête, toujours dans la tête. Tout se passe entre les deux oreilles. Même si vous en manquez, go gain, drogué, obèse. Même si vous avez une oreille, qu'elle soit plus attentive que l'autre. Ça, c'est important, là. Parce que les deux, une peut flancher, l'autre va rattraper, mais j'en ai juste une. C'est une singularité. Donc, vous devez partager cette singularité-là avec le néant, puisqu'il n'y a rien pour récupérer, comme je disais. Là, on peut pas dire, hey, ouais, ouais, c'est ça, on va parler, là, ça va te rentrer par une oreille puis sortir par l'autre. Mais non, t'en as juste une! Ça va rester bloqué, là. C'est pour ça que ces gens-là sont plus intelligents que la moyenne. Moi, j'ai essayé de m'en faire arracher une. Ça n'a pas fonctionné. T'sais, je me suis placé l'anneau de Saturne, puis là, devant un petit enfant, puis j'ai dit, oh, vas-y, petit enfant, tire sur l'oreille. Parce que devant, quand t'arrives à l'hôpital, tu dis, infirmière, c'est pas moi qui me. Non, j'ai pas moi-même, je me suis pas empalé l'oreille, là. C'est le petit bébé ici qui, king, voulait tirer, dire, oh, là, là, là. Mais moi, ce que j'avais, c'est pas un bébé bien brillant, là. Il regardait ça. C'est un visuel. Pas bon, les visuels là-dessus, là. Faut prendre des manipulateurs, là, les gens qui vont devenir des premiers ministres, des ministres, des vicelards, hein, c'est ça, les vicelards ministres, voilà, tout ce monde-là, là, ceux qui veulent attraper quelque chose, là, même si ça amène à rien, là, même si c'est pas beau, là, et l'enfer est pas loin, hein, attraper pour atteindre, en s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible oreille. Là, mais je me suis dit, plus l'anneau va être gigantesque, plus ça va attirer les petits bébés. Mais non, le petit bébé ne regardait pas ça. Le petit bébé me regardait faire des grimaces puis il riait. Je dis, oh, regarde, c'est là, là, l'anneau est là, là. Il me regardait. Je dis, c'est pas intelligent, cette affaire-là, là. Amenez-moi quelqu'un en haut de la moyenne, je sais pas, là, un futur pianiste. Mozart n'est pas là. Mozart, il est mort. Bon. Chopin est mort. Bon, Mozart, Chopin et monsieur. Oh, Schubert. Schubert, non, il n'est plus là. Ah, Schumann non plus. Bon, ben écoutez, oubliez ça. Vous n'avez pas Al Capone? Oh, Al Capone, Capote. Oh, on n'a pas les capotes chez nous. Alors, à la télé, même s'il n'y a rien, vous pouvez capoter dans votre tête, c'est très facile. Et le titre, c'est « T'as embrassé Lily ». Pas le micro, mais en tout cas, peu importe, c'est pas grave. Bon appétit. Si tu étais un autre individu, oui, à choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Alors, est-ce que je ferais le même chemin? À choisir, ouais. même si moi j'ai pas eu une vie facile, il m'est arrivé plein de merde, des gros trucs un peu trash, mais je trouve que c'est très riche. Est-ce que c'est les moments difficiles, est-ce que c'est au niveau du travail ou au niveau amoureux? Non, mais dans la vie, dans l'enfance, okay. Je trouve que la vie c'est dur, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas la mienne, plus ça va, plus c'est léger, et plus okay. c'est facile. Mais que justement, tous les trucs durs, c'est hyper riche en même temps. Parce que ça t'a fait grandir, voilà, et ça fait ça. La fille que tu es. Voilà. Et plus ça va, plus je me dis que je suis une nana bien. Oui, c'est bien. Donc c'est cool. Non, mais savoir s'évaluer, ouais. Et ça, c'est cool. Tout le monde est destructeur. Ah, oh, ouais, ouais. Mais cette pièce-là a eu des critiques incroyables sur France Inter. Je t'ai écouté, pas toi, mais la pièce a été à Chinatown, l'émission de Chinatown. Ouais. On avait même amené des micros. On a fait des captations. Est-ce que tu le sais? Non, non. OK. Et donc, est-ce que c'est... Non, c'est Downtown, pas Chinatown. Downtown, excuse-moi. Downtown. Donc, c'est une émission vers 17h, humoristico-artistique. Et quelqu'un s'était présenté avec un micro puis avait enregistré la pièce. Et on a présenté des segments, et sur France Inter, dithyrambique, vraiment, vous êtes... Ah ouais. Et j'ai vu des critiques aussi sur Internet. Comment tu prends ça? Tu es sans doute heureuse de... Moi, je suis heureuse, ouais. Je suis contente qu'on reconnaisse mon travail, et que... Enfin, notre travail avec Cécile, et que les gens apprécient, quoi. Est-ce que tu travailles sur autre chose avec Cécile, ou... Pour l'instant, non. OK. Mmh. Mais là, t'es juste sur ce projet-là, puis après, tu sais pas ce qui va t'arriver. Ouais, voilà. Est-ce que c'est pas facile, hein, le travail? Ça, c'est pas facile dans le métier de comédien, ouais, de pas savoir ce que tu vas faire, forcément. Puis si tu peux payer ton loyer? Tout ça, ouais, ouais. Mais moi, j'ai toujours travaillé, je suis une bosseuse, donc... t'as jamais eu de temps mort ou de... J'ai eu une période de temps mort où ça allait pas trop et tout ça, mais... Plus maintenant. Ouais. Plus maintenant. Ah ouais. Mais qu'est-ce que je... Ah oh, oui, non, j'avais une bonne question, je l'ai perdue. Oh, oh. Non, je me... Ouais. La pièce de théâtre. Tu parlais des critiques, tout ça, ah, sur oui. Internet. Tout. Ouais. Ah, mais c'est bon, merci. Critique Internet, ouais. Est-ce que c'est une pièce qui peut être exportable? Est-ce que tu vas aller la jouer en Belgique, fait. En Suisse? J'aimerais bien, hein. Et puis les demandes, est-ce qu'il y a des demandes ou au contraire? Y a des gens qui viennent, des programmateurs. Ça, moi, je m'en occupe pas, quoi. OK. Alors, tu sais pas ce qui peut se tramer, mais peut-être ouais. qu'actuellement, il y a des choses qui se concluent ouais. sans que tu sois au courant. Ah, ouais. Mais après... Ah oh, oui, c'est ça, je voulais, la question. Ah. Beaucoup de comédiennes veulent faire du cinéma. Ouais. En fait, moi, quand j'étais au conservatoire, moi, ce que j'aime, c'est quand même quand il y a du public et que ça joue entre les vivant. Gens. Quoi. Ouais. Du théâtre, vivant. Ouais. Et que t'as les réactions. Et que... Parce que vraiment, le truc, moi, au départ, j'ai vraiment fait ça pour être dans l'échange. Moi, j'étais assez coincée quand j'étais jeune. J'avais du mal à aller vers les autres et tout ça. Et là, sur scène, je me sentais libre et je pouvais faire passer des choses. Et du coup, il y avait une communication quoi, qui s'établissait. Et les gens aimaient ce que tu faisais, ouais. Donc tu te sentais valorisé. Ouais, voilà. Et j'ai essayé le cinéma, et pour moi, c'est pas le même métier. Après, c'est intéressant aussi, hein. Mais c'est long. Face à une caméra, il faut reprendre les trucs. C'est long. Ouais. Et ça se passe pas pareil. OK. Mais après, pourquoi pas, hein. Mais quand tu fais les lectures, quand tu es devant un bouquin, est-ce que tu es toujours en fonction? Est-ce que tu te mets toujours dans cet imaginaire-là de peut-être présenter ça sur scène ou tu peux regarder quelque chose en étant simplement lectrice ou est-ce que tu travailles tout le temps à te demander si tu peux... Si... Non, je ne travaille okay. pas tout le temps à me demander si je peux mettre ça sur scène. Il y a des choses, ça me saute aux yeux, quoi. Okay. Fait, généralement, c'est plutôt comme ça. Que c'est criant de vérité voilà, ou... C'est ça. Okay. Mais sinon, non, parce que je pense pas qu'on puisse tout mettre sur scène non plus. Donc... Non, non, mais on peut tout adapter ou ouais, presque. Ouais. Après, c'est les choses, je pense que c'est vraiment des choses personnelles qui te touchent. Et tu te dis, ah ça, ouais, j'aimerais bien parce que... Je veux en faire partager le public. Voilà, ouais. Il y a quelque chose. J'y crois ouais. et c'est un message que je veux transmettre. Ouais, ouais. C'est ça. Ben merci. Oh ben, j'en prie. Hein. Ah, mais c'est merveilleux. Puis, écoute, longue vie à cette pièce-là. Ouais. Et j'espère que tu iras très loin. Peut-être même encore à Avignon. Mais là, non, parce que quand ça finit au bout de nous, à Avignon aussi, c'est terminé. Non, ouais, non, là, Avignon, on le refera pas, mais j'espère ailleurs. Quoi. Ben oui, peut-être même j'espère au Québec. J'espère au Québec. Ça prend pas beaucoup ah, ouais, de... Non, mais ça prend rien. Un divan, ouais. un micro. Ah non, c'est vite fait. Hein. Puis un éclairagiste, voilà. sonorisateur. Et... Exactement. Un bon régisseur. Un régisseur, on voilà. sait jamais. Voilà. Ben merci, puis à la revoyure, hein? Voilà. Salut, bye! hemos vuelto a la ciudad y todo está de noche, todo está de verdad, como cuando tú y yo juramos no volver. Pasamos justo por aquí. Un dibujo de mujer a punto de colores, un crucigrama de neón, un latido de linternas. Mil luciérnagas. Músico que busca músicos, un buscador de lugares, besos de 15 años, los portales escondidos que te nombran. Un huracán de sombras. La vida es un rumor y hay que decirlo por ahí, por ahí. La vida es de limón, un ramo en erupción. Un abrazo que se puede respirar. Sembramos rosas en el sitio equivocado, en la boca de un letrado, a la sombra de la puerta de un juzgado. Y todo estaba aquí. De limonero limonar fueron contándose las liebres, que la vida es contagiarse el alma, que la vida es un rumor. Y hay que decirlo por ahí. Como brotes, como besos, como un jardín. Como niños a la puerta de un colegio de Madrid. La vida es un rumor y hay que decirlo por ahí, por ahí. La vida es de limón, un ramo en erupción. Un abrazo que se puede respirar. La vida es un rumor y hay que decirlo por ahí, por ahí. La vida es de limón, un ramo en erupción. going west to Kentuck, down the road to Moccasin Gap, down the wilderness road, down the Doug Road, the old Reedy Creek Road, the road down troublesome, the road to Moccasin Gap. Well, it's a hot day in 73, and this is my wife and my kid with me. Dan'l Boone lost his boy the other day. Young Jim Boone's dead not 20 miles away. Well, if you love your wife and love your baby man, you better turn that wagon back as soon as you can. Every engine in them hills is gone berserk, and you're never gonna make it to Kentuck. I bet I'm gonna make it to Kentuck. I'm going west to Kentuck, down the road to Moccasin Gap, down the wilderness road, down the Doug Road, the old Reedy Creek Road, the road down troublesome, the road to Moccasin Gap. Ce que les gens aiment, c'est lorsque je fais des improvisations à partir de 5 mots que j'utilise dans le dictionnaire. C'est ce qu'on va faire. Ah ouais, l'épée. Ok, tu parles du dictionnaire. Non, on parle de toi. Ok. On va commencer par le premier mot. C'est au hasard. Hein? J'ai le dictionnaire ici, le Robert. Je vais vous dire de quelle année. On vous l'a déjà stipulé il y a quelques mois quand j'ai commencé à faire cette haute Stradivarius. Non, ça, c'est un violon. 1990, c'est un vieux dictionnaire, mais il est quand même, il y a toutes ses pages, puis il y a même, comment ça, son couvercle, oui. Monsieur, t'as des mots que tu perds, alors je perds tout. J'ai perdu 20$. Alors, le mot, c'est coupant, premier mot coupant, j'en choisis 5, OK? Coupant. Là, dans l'improvisation, je ne le ferai pas en ordre, là. Quoi qu'on sait pas, coupant. On va voir ça, coupant, t'es. Ensuite de ça, ça va bien vous, les enfants? Bon, vous les avez lavés? Mettez-les dans le sécheuse. Il est 2h du matin. 2h moins quart. 1h30. Bon, c'est pas le temps. Culotté. Oh, c'est bien ça. Culotté. Culotté. C'est comme la chanson de Raymond Lévesque. Hein, il y a un vieux 1$. Oh, dans le dictionnaire, c'est pété. Oh, mais tiens, on va reprendre. Excusez-moi. Parlez entre vous, là. À travers le 1$, il y a déchirement. Mais il ne faut pas le déchirer, le 1$. En plus, il est fait en 67. La date de. Hein? Déchirement. La date de quoi? La date où on l'a déchiré, le truc. Déchirement. Déchirement, chelevez-vous. On verra votre pantalon. Excuse. Excuse. Hey, ça me semble. Puis on va aller vers la fin, parce que les gens vont dire que c'est trop facile. Avec un Z. Hein? On va choisir quelque chose avec un Z. On triche un peu parce qu'on ne doit pas Z, X, Y, Z. C'est à la fin Z, hein? OK. Mais il faut que je regarde si ça existe. Puis que ben, ça existe, c'est dans le dictionnaire. Mais si je ne la connais pas, il faut que je lise un peu la définition. On va aller avec... Bon, non, celui-là, c'est facile. Les gens vont dire, oh, ben oui, Zest. Moi, j'avais vu Zest, mais je ne prendrais pas Zest, c'est trop facile. On va prendre... Oh, Zizi. Oh, une chanson de Pierre Perret. Il avait un petit Zizi, Zizi. Il est venu de Somalie, Zizi, c'est pas celle-là, c'est tout, tout, tout, vous offrez tout, tout. Bon, c'est pas du lieu, non. Et puis, c'est quoi Zodiac? Non, non, Zonier. Alors, Zonier, c'est une zone autour de Paris. Bon, là, ils vont dire que je suis francophile. Alors, on arrête là. Zophore. Oh, t'as un peu Zophore. Frise de... Et c'est petit, ça. De l'entablement qui porterait l'origine, une décoration. Oh, monsieur, c'est trop complexe, ça. Zoosophre, zootaxie, systématique zoologie. Parle entre vous, là. Zygiène. Ah, zygiène, tiens. Nom savant du requin marteau. OK? Zygène. Z-Y-G-E-N-E. Zygène. Je pense qu'on va faire un gag là-dessus. Zygène, je la connais déjà. OK, on y va. Les mots sont les suivants. Coupant, culotte, déchirement, excuse et zygène. Ah ouais, mais regarde, je reviens de l'école, là. Mais je suis fait coller. Ah ouais, les étudiants m'ont dit, ah, eh oui, on touche au robinet, il n'y a pas d'hygiène. Faut faire attention, faire couler l'eau, parce que sinon, on va attraper des microbes. Faut être hygiénique. Puis là, il n'y a pas d'excuse. Puis je sais que dans toute cette phrase-là, dans toute cette vision-là de la propreté, il y a un déchirement entre le bon et le mal. C'est peut-être un peu trop culotté, puis je les enlèverai pas, mes culottes. C'est un dossier coupant. On dit ça tout dit. Coupant, culotte, déchirement, excuse et zygène. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On chante un petit peu. Non, on va passer le temps. Pour passer le temps, je chante. Je faisais ça à l'école en secondaire 5, le vendredi. Le professeur me plaçait 20 mots de vocabulaire, quand même assez complexe, là, comme... Combien de saucisses, saucisses? Non, c'est... daguerreotype. Hein? Extradiégétique. Hum? Ensuite de ça... diachronie. Puis là, on devait apprendre ça pendant la fin de semaine. Puis là, lundi, il y avait dicté. Là, je faisais une phrase avec les 10 phrases ou les 20 phrases qui étaient au tableau. Ah, j'avais un succès bœuf. Le professeur aimait pas ça, là, mais c'était pendant la pause. Et on disait, « Rénal, dis-nous ta phrase magique! » Je lui disais, « Perlimpinpin, inspire-moi, s'il vous plaît, Perlimpinpin. Entre dans ce vilain crâne, Perlimpinpin. » Puis là, il avait peur, bien sûr, il voulait pas rentrer là-dedans, les cheveux étaient touffus. Ça fait peur lorsqu'on voit un touffu. On dit, « Voyons donc, c'est la zone grise. C'est la mi-zona. Il n'y a pas de zona là. C'est agricole. Ah, mon Dieu, c'est... Oui, gardez-moi ça. Une grangée de cravates, une grangée de crêpeux. Une grangée de cravates, une grangée de crêpeux. Mais quand il y a trop de crêpeux, ça crépite. Hein? On va mettre le feu là-dedans. Là. C'est sec. À cette heure-là, plus il y a de sexe, plus il y a de sec. Quoique les sectes... Oui, il arrive souvent là-dessus, là, hein? On se couche sur le sujet. Raël n'est pas une secte en passant, là. C'est un mouvement. Il y a en haut, en bas. Raël, raélien. Raël, raélien. À gauche, à droite, à gauche. Allô, Jimmy, je t'aimais bien. Allô, Jimmy, je t'aimais bien, tu sais. On n'était pas du même camp. On n'était pas du même chagrin. Mais on cherchait le même chant. Le chant de l'amour, le chant du succès, le chant du bonheur, le chant universel de l'amour, le chant qui nous amène lentement et sûrement vers le plaisir de vivre avec nous et pour nous. Amen. Et c'est beau ça, merci. Et depuis quelques temps, je me remémore des chansons de M. Moustaki. Il est mort il y a 2 mois et demi. Et je vous faisais souvent cette mélopée de mon ami Georges. Avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux 4 vents. Avec ma bouche qui a mordu, caouir et mordu, qui a jamais souvir sa faim. C'est quoi ça? Avec mon cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pauvre l'aspère d'histoire. Avec mon âme qui a vu la moindre chance du salut, sans éviter le purgatoire. Merci à l'écho de moucher les mots. Avec ma gueule, moucher les mots, ben oui, moucher les mots. On couche, on masque, mais moi je mouche les mots. Et ça fait mouche. Ils savaient pas avant que tu le dises. Hey, dans leur tête, voyons, là, ça, c'est pas les paroles de M. Moustaki, de Soutabi. M. Fabi, êtes-vous là, monsieur? Oui, c'est un affront envers le chanteur que tu aimais tant. Puis je lisais le lendemain de sa mort à Georges, je dirais pas le journal, mais un journal respectable et que je respecte. Mais ils n'ont pas fait leur devoir. Oh, on peut comprendre, hein? On voyait une photo de Barbara et Moustaki en disant que c'était des grands amis en 86. Mais c'est pas vrai. Il y avait une grosse chicane. Puis, ils ne se parlaient plus. Et Moustaki a écrit une chanson qu'il a fait chanter par Serge Reggiani. Et je sais pas si je vais vous dire le titre, mais si vous êtes sur mon Facebook, je vous l'ai raconté. Sinon, vous pouvez devenir mon ami Facebook si vous êtes branché sur Internet. Sinon, envoyez-moi une lettre à CKRL 405 3e Avenue. Il n'y a pas d'appartement. vous êtes vous placez errance rénaldienne, rénal gagné, si vous êtes encore en mode écriture, là, ça c'est merveilleux, j'adore ça. Mettez du parfum, parce que quand j'ouvre, là, je veux avoir des arômes, oui, monsieur. Arôme qui? Arôme Pinochon, c'était mon professeur de ukulélé. Puis c'est lui qui m'a appris, à l'âge de 12 ans, que pour être un virtuose, il faut se donner des obstacles, des handicaps comme au golf. Comme Tango Winner, là, le joueur de banjo, là, lui, il avait juste 4 doigts au lieu de 5. C'est pour ça qu'il jouait comme ça. Là, mon professeur de ukulélé, il dit « OK, va te péter des cordes. » « Oh non, il pète des cordes, puis je l'ai jamais vu. » Mais en fait, ça fait 5 minutes. Et non, non, va te péter des cordes pour te faire comprendre que devant peu de son, faut que t'en évacues pas mal. Alors, sur 2 cordes, puis 2 cordes raides. Ah, man, j'ai peur, il va faire un crime. 2 cordes raides, tu vas me jouer le prélude de Beauvin. Voyons donc, c'est vache, ça. C'est très vache. Prélude de Beauvin en fimamol. Ah, mon Dieu, ça, c'est un nouveau fromage. Écrémé, écrémé. Ah, c'est en gouttelette, vous voulez nature, gouttelette. Moi, je demanderais quand même la texture la plus crémeuse. OK. On y va? On y va. Les gens sont pas prêts pour ça. Ben, écoutez, on va les préparer. OK, on y va. On va arrêter de dire ça, puis allez-y. On appelle ça aussi distorsion 101. Ah! Les oreilles s'en vont, ils ne reviendront plus. Ça va être en vente entre l'album de Céline Dion et de qui? De Lika Zaraï? Non, c'est je ne veux pas quelque chose de pire que Patrick Bruel, tu sais. Francis Cabrel, ou peut-être. Si vous ne pouvez pas le trouver, ben envoyez-moi quelque chose, un message, et je vais vous l'envoyer. On ne le refait pas? Non? On n'a pas de temps. C'est votre problème, si vous avez... Non? C'était une œuvre extraordinaire. Vous voulez la louper? Loupez-la! And 180 were challenged by Travis to die. By the line that he drew with his sword when the battle was nigh. Any man that would fight to the death cross over, but him that would live better fly. And over the line went 179. Hey, Santa Ana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo. Bowie lay dying, but his powder was ready and dry. The lad on his back, Bowie killed him a few in reply. And young David Crockett was singing and laughing with gallantry fierce in his eye. For God and for freedom, a man more than willing to die. Hey, Santa Ana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo. And then they sent a young scout from the battlements bloody and loud, with the words of farewell from a garrison valiant and proud. Grieve not, little darling, my dying, if Texas is sovereign and free. We'll never surrender and ever with liberty be. Hey, Santa Ana, we're killing your soldiers below. That men, wherever they go, will remember the Alamo. Oui, merci de m'appeler en direct des studios de CKRL. Vous êtes vraiment, c'est extraordinaire. Les gens sont flamboyants. Je les adore. Vous êtes super. Le moment, si vous ne pouvez pas nous rejoindre en direct, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, nous envoyer un courriel rénalquebec@commercial.com. OK, on poursuit. Alors, le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons s'échoir vers les couloirs de l'improvisation. Akaki. Akaki, ça, c'est mon petit cheval de Troie. Et puis le 4, ah, j'en ai jamais eu. J'ai arrêté à 2-3 parce qu'à 2-4, j'étais plus capable. Ça fait mal de perdre un animal, qu'il soit adopté, qu'il soit sauvage ou demi-sauvage. Moi, j'ai été doublement sauvage avant ma naissance. Et puis, lorsque je suis venu au monde, j'étais docile comme le camembert. Hein, mon Dieu. Allons s'échoir vers... On est encore dans le fromage. Hein? L'autre improvisation t'a marqué. Ça m'a marqué d'un fer rouge. Je me souviens quand j'étais cheval. Hein? Et puis, allons, les gens qui font des liens. Là, hein? Êtes-vous capable? Ah, moi, depuis le début de l'émission, je fais des liens. Là. Des liens, là. Ça va bien? Ça va, des liens. Là. Ça va dans rien, de liens. Ça va bien, des liens. Allons ce soir vers les couloirs de l'improvisation avec Sophie Largan narratif. Le joueur répulsif. Ça, c'est comme Orange Mécanique. Stanley Kubrick. Lui, il allumait, hein? Ah ouais, Stanley, allume. Oui, moi, je suis Big, je suis Kubrick, je suis Big. Ah ouais, Big. Quand il a fait Orange Mécanique, il a pratiqué le répulsif. Histoire de la scène des yeux, là. Tu sais, il mettait des cordes dans ses yeux, puis il faisait voir des images pour le désensibiliser. On a fait ça avec des joueurs. On les a amenés après dans des casinos. Prenez une machine à soupe, ils poussaient, là. C'était répulsif. Oh, sortez-moi ça! Hey, ils ont vidé 18 à Las Vegas, là, 18 casinos. On avait besoin d'hommes de bras, puis hey, on les avait indoctrinés avec ça. On les a même pas payés. Oh non, des machines à scène. Ils poussaient. Hey, là, il y avait des camions. Ben ouais, ouais, ça, regarde le déchaîné. Oh, attends. Il rentrait ça dans un gros camion, ça partait, là. Oh. Deux gars ont vidé autant de beaux casinos. Là. On a amené ça à Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas légal, ces affaires-là. Là. Mais il y a de l'argent à faire. Hein? Il y a de l'argent à faire. Ça va devenir légal. Il y a de l'argent à faire. Là, tu dis quelque chose là, qui m'excite, moi, là. Argent à faire, moi, là, regarde, on va déboucher quelque chose. Là. Débouche. Rita, il n'y a plus rien à déboucher. Voyons donc, toi, à cette heure-là, débouche, ben, y a plus rien. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Débouche un budget, fais quelque chose, ouvre les livres. Là. Interdiction, enlève-moi le mot interdit, là. As-tu du correcteur? Oui, j'ai du correcteur. Ben, corrige. OK, qu'est-ce qu'on met? On met OK pour les machines à sous. Il faut déplumer le peuple, OK? Déplumer le peuple. Il faut leur rendre zéro cent pour qu'ils puissent croire qu'un jour, ils vont gagner. OK? Un jour, ils gagneront. Un jour, tu gagneras, mais tu verras, tu dois miser. $1, $2, $3, $4, ta maison. Ton couple va s'arracher, ta femme va t'abandonner, tes enfants vont te renier, mais mise tout. Et tu verras le gros lot. Te filer entre les doigts, toi qui ne comprends pas. Toi, le seul ami. Moi, je suis pas un peu, là. Le cœur. Tu me fais lever le cœur. Toi, hey, on l'a pas pratiqué, celle-là. Toi, Attends que j'ai fini le toit, puis là, t'enchaînes, OK? Toi... Toi que j'ai cherché de par le monde. On dirait, hey, attends un peu, on dirait un troupeau d'oies. Ah, ouais, ouais, ouais, le voir. Va le voir, c'est un troupeau d'oies. Oh, ils sont où? Au-dessus de mon doigt. Les oies sont là pour mourir. Ben voyons donc, ils volent. Ils volent la cagnotte. Oh, mon dieu. Toi que j'ai cherché de par le monde. Oh, oh, toi, le succès, l'argent. Et j'ai... Il faut que je vous raconte. Je faisais à CKRL un petit truc, un caméo. Non, c'est pas un caméo. Une chronique sur le pouce avec Marjorie Champagne qui s'appelait « Aux quatre coins des mots et des idées ». J'avançais de la poésie et à un moment donné, je sais pas, j'avais écrit un truc un peu rap puis elle me dit « Hey, tu pourrais, Marjorie, tu pourrais écrire du rap, tu pourrais faire de l'argent. » Ah, je me suis dit « C'est vrai, je pourrais faire de l'argent avec ça, moi, là. » Alors, on y va. Toi, OK, les deux oreilles fonctionnent. Toi, ben voyons donc, reviens, revenez, revenez les oiseaux, OK. Les deux oreilles, merci. Un, deux. Toi, que j'ai cherché de par le monde. Toi, je veux te faire une cathédrale. Bon, une cathédrale, es-tu malade? J'ai de la misère à faire des châteaux de cartes. Voilà. Et en soirée, là, je me suis pratiqué à faire des dessins. Je fais des bonhommes en forme d'allumettes. Là, la tête, c'est une boule. Après, c'est un petit tiret, deux petits bras, deux petites... C'est anorexique, là. Eh, mon Dieu, ça ressemblait à mes photos de quand j'ai fait mon voyage en Éthiopie. Il n'y avait pas d'avenir là-dedans. Moi, là. Photographe là-dessus. Là. J'ai dit, je ne veux pas faire d'argent sur le pauvre monde. Moi, là. Les grandes revues de photographie m'avaient appelé. Ils m'ont dit, Morena, on sait que tu reviens d'Éthiopie. Tu as des belles images à nous proposer. Ben là, je les vérifie, là, puis je vous rappelle. Non, rappelle-nous pas. Amène-nous-les. Non, mais je crois que c'est... Tout à fait immontable. Ça peut pas se... Non, les gens pourraient pas. Faudrait se rendre sur place, puis... Ah, mais voyons donc, toi, t'as de l'argent à faire. Je veux pas en faire, moi. Sur la misère, là, ça fonctionne pas. Sur l'espérance, oui. Sur le plaisir de vivre, oui. Mais pas sur la déchéance. We'll be right back. années de bonne, loyale et sincère investigation, j'en ai quand même déduit que la féminité, c'est la putasserie. L'art de la servilité. On peut appeler ça séduction, et en faire un machin glamour, ça n'est un sport de haut niveau que dans très peu de cas. Massivement, c'est juste prendre l'habitude de se comporter en inférieur. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise, ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas vouloir occuper un poste d'autorité, ne pas chercher prestige, ne pas rire trop fort, ne pas être soi-même trop marrant. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande que l'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance. Pendant ce temps, les hommes, en tout cas ceux de mon âge et plus, n'ont pas de corps. Pas d'âge, pas de corpulence. N'importe quel connard rougi à l'alcool, chauve, à gros bide et loup pourri pourra se permettre des réflexions désagréables sur le physique des filles. Des réflexions désagréables s'il ne les trouve pas assez pimpantes, ou des renards dégueulasses s'il est mécontent de ne pas pouvoir les sauter. Ce sont les avantages de son sexe. La chaudasserie la plus pathétique, les hommes veulent nous la refourguer comme sympathique et pulsionnelle. Mais c'est rare d'être Bukowski. La plupart du temps, c'est juste des tocards lambda. Comme si moi, parce que j'ai un vagin, je ne croyais pas comme Greta Garbo. Être complexé, voilà ce qui est féminin. Effacer, bien écouter, ne pas trop briller intellectuellement, juste assez cultivé pour comprendre ce qu'un bel âtre a à raconter. Bavarder féminin, tout ce qui n'est pas de prince. Ce qui est domestique, se refait tous les jours, ne porte pas de nom. Pas les grands discours, pas les grands livres, pas les grandes choses, les petites choses. Oh, mignonne, féminine. Mais voilà, viril. Avoir des potes, viril. Faire le pitre, viril. Gagner plein de thunes, viril. Avoir une grosse voiture, viril. Se tenir n'importe comment, viril. Ricaner en fumant des joints, viril. Avoir l'esprit de compétition, viril. Être agressif, viril. Vouloir baiser avec plein de monde, viril. Répondre avec brutalité à quelque chose qui vous menace, viril. Porter des fringues parce qu'elles sont pratiques, beep beep. Who got the keys to the Jeep? Tout ce qui est marrant à faire est viril. Tout ce qui permet de survivre est viril. Tout ce qui fait gagner du terrain est viril. Ça n'a pas tellement changé en 40 ans. La seule avancée notoire, c'est que maintenant, on peut les entretenir. Parce que le travail alimentaire, c'est trop contraignant pour les hommes. Qui sont des artistes. Des penseurs. Des personnages complexes. Et terriblement fragiles. Le SMIC, c'est plutôt aux femmes de le gagner. Évidemment, en prime, faudra comprendre que ça puisse les rendre violents ou désagréables d'être entretenus. Si on croit que c'est facile, quand on est de la race des grands chasseurs, ne pas être celui qui ramène la nourriture au foyer. Les hommes, c'est cool. On passe notre temps à les comprendre. Car le désespoir grandiose, lui aussi, a un sexe. Nous, ce qu'on pratique, c'est le gémissement plaintif. Sur Internet, je tombe sur une lettre signée Anton Artaud. Une lettre de rupture, de d'éloignement en tous les cas. Adressée à une femme qu'il déclare ne pouvoir aimer. J'entends bien que dans le détail, son affaire doit être compliquée, mais à l'arrivée, ça donne ça. J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi, à toute heure. Je suis désespéré de solitude, je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre, seule, et sans aucune des facilités de la vie à portée de ma main. Il me faut un intérieur et il me le faut tout de suite. Et une femme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. Une artiste comme toi a sa vie et ne peut pas faire cela. Tout ce que je te dis est un égoïsme féroce, mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie. Je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse trop. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Depuis toute petite, depuis Goldorak et Candy, qui passaient à la suite à la sortie d'école, j'ai la passion inversée, juste pour voir. J'ai besoin d'un homme qui soit uniquement à moi, et que je puisse trouver chez moi, à toute heure. Ça sonne tout de suite différemment. C'est pas la même chanson. Il me faut un intérieur, tout de suite. Et un homme qui s'occupe sans cesse de moi, pour les plus petites choses. Si jamais je rencontre pareil homme, c'est que j'aurai les moyens de le salarier. Il ne m'est même pas nécessaire que cet homme soit très mignon. Je ne veux pas non plus qu'il soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'il réfléchisse trop. Il me suffit qu'il soit attaché à moi. Ma puissance ne reposera jamais sur la féodation de l'autre moitié de l'humanité. Un être humain sur deux n'a pas été mis au monde pour m'obéir, s'occuper de mon intérieur, élever mes enfants, me plaire, me distraire, me rassurer sur la puissance de mon intelligence, me procurer le repos après la bataille, s'appliquer à bien me nourrir. Tant mieux! Dans la littérature féminine, les exemples d'hostilité ou d'effronterie envers les hommes sont rarissimes. Censurés. Moi, je suis de ce sexe-là, qui n'a même pas le droit de mal le prendre. Moi, je suis de ce sexe-là, qui doit se taire, qu'on fait taire, et qui doit le prendre avec courtoisie, encore montrer patte blanche. Sinon, c'est l'effacement. Les hommes savent pour nous ce que nous pouvons dire de nous. Et les femmes, si elles veulent survivre, doivent apprendre à comprendre l'ordre. Qu'on ne vient pas me raconter que les choses ont tant évolué qu'on est passé à autre chose. Simone de Beauvoir, qui commence les lettres au castor par cette première lettre que lui écrit Sartre. Voulez-vous être assez bonne pour donner mon linge, tiroir inférieur de l'armoire, à la blanchisseuse ce matin? Je laisse la clé sur la porte, je vous aime tendrement, mon amour. Vous aviez une petite tête charmante hier en disant « Ah, vous m'aviez regardé, vous m'aviez regardé ». Et quand j'y pense, mon cœur se fend de tendresse. Au revoir, petit bon. Qu'on inverse. Qu'on inverse le tout. Et le linge-châle, et la petite tête charmante. On comprend mieux de quel sexe on est. Celui du linge-châle des autres et des petites têtes charmantes. Heureusement, il y a Courtney Love. We'll be right back.